Chapitre 5e. Trois nouvelles années filèrent avec la rapidité d'un vol d'hirondelle. J'étais retourné à Paris. Je suivais les cours de la faculté de droit, et je ne rentrais à Villotte qu'après avoir soutenu ma thèse de licence. Je désirais être attaché au parquet, et pour me tenir en haleine, j'avocassais de temps à autre auprès du tribunal correctionnel. Mais les clients peu nombreux me laissaient des loisirs, et je les employais à courir les bois en compagnie d'anciens étudiants, revenus comme moi en province, afin d'y chercher une position sociale. Parmi eux se trouvait un jeune docteur du nom de Lorcher, frais et moulu de l'école, et auquel il ne manquait plus que des malades. En attendant, il médicamentait les pauvres du bureau de bienfaisance et suppléait un de ses vieux confrères à l'hospice de la ville. Un soir d'avril, comme nous revenions de la passe de Bécasse et que nous longions le parc de la Gélinière, Lorcher me dit tout à trac : « À propos, j'ai dans mon service à l'hôpital une malade qui prétend te connaître, une Morricone, qui t'a rencontré autrefois chez ce monsieur Robin, dont nous côtoyons précisément l'ancien domaine. Morissette ? M'écriai-je. Je ne sais pas comment elle s'appelle. À l'hospice, on ne la désigne que sous le nom de la négresse. Je dois ajouter que la créature n'est pas très recommandable. C'était une des plus enragées rouleuses du faubourg de Véel. Est-ce qu'elle est gravement malade ? Elle claquera avant 2 jours. Elle se meurt du mal qui guette tous les nègres transplantés brusquement payés froid. La tuberculose, et le métier qu'elle faisait la menait bon train. Elle est phtisique au dernier degré. Pauvre fille, quelle chute. Madame Robin Desroches parlait de l'adopter. Elle a été un moment choyée comme l'enfant de la maison. La Morissette de jadis m'apparaissait tout à coup avec son clair sourire, ses yeux luisants, sa démarche sautillante comme celle d'un oiseau sous les grands arbres de la Gélinière. Je me rappelais ses fougueuses caresses, son dernier baiser dans la lingerie, et je me sentais peu à peu remué par une tendre pitié. « Est-ce que je pourrais la voir ?» demandai-je timidement. « Mon Dieu, oui, si le cœur t'en dit, bien que le spectacle ne soit pas régalant. Viens demain matin avec moi, à la visite, je te ferai passer pour un collègue. » Le lendemain, par une matinée un peu fraîche, mais où néanmoins, par-dessus les clôtures, les floraisons des pruniers et des poiriers s'effeuillaient déjà comme des flocons de neige, j'arrivai au rendez-vous assigné par Lorcher. Était-ce l'effet du vent encore aigre de ces premières journées du renouveau? Je ne sais, mais un frisson me courait à fleur de peau, tandis que nous traversions la cour de l'hospice, où s'alignaient deux rangées de tilleuls bourgeonnants. Nous montâmes sans parler un large escalier de pierre. Au premier étage, le docteur poussa la porte matelassée d'un vestibule vitré et nous pénétrâmes dans la salle réservée aux femmes. Devant moi, dans la clarté froide et virginale de la longue pièce, fuyait la double enfilade des lits blancs tous semblables. Du côté du levant, de hautes fenêtres voilées de calicot donnaient sur la vallée vaporeuse et les ondules lointains où moutonnaient les arbres de la Gélinière. Je suivais docilement Lorcher, qui cheminait d'un pas leste, amorti par la sparterie du parquet. Il ne s'arrêta qu'à l'extrémité de la salle, près du dernier lit dressé dans l'encoignure, et me le désignant d'un coup de coude accompagné d'un clignement des yeux. « Tiens, elle est là, ta négresse. » Je m'approchai. Ah, la malheureuse, dans quel état je la revoyais! Je restai d'abord abasourdi et la gorge serrée. Sous la masse des cheveux crépus, la face de la patiente, émaciée, fripée et comme recroquevillée, se détachait de la pâleur des draps avec des tons olivâtres. Les pupilles convulsées disparaissaient presque au sommet des paupières. De ses lèvres ouvertes, une courte respiration s'exhalait péniblement avec un bruit de soufflet détraqué. Tout rapetissée dans ce grand lit, elle ressemblait à une pauvre guenon malade. « Morissette, » chuchotai-je en m'avançant de la ruelle et me penchant. Elle frissonna. Ses prunelles brunes, quittant leur immobilité, roulèrent tout d'abord avec effarement dans l'orbite renfoncée, puis se fixèrent sur moi avec stupeur. Elle m'avait reconnu. « C'est vous, monsieur Claude ? » bégaya-t-elle. Puis, avec ce geste enfantin que j'avais déjà observé une fois, elle couvrit de son bras la partie supérieure de son visage. « J'ai honte, » continua-t-elle d'une voix rauque. « Morissette, mauvaise fille. Morissette, beaucoup baissée. Je vais mourir, et le bon Dieu, bon maître, me pardonnera Pécé. Je ne ressemble plus guère à la Morissette du temps passé, n'est-ce pas? Mais le cœur n'a pas changé. Moi, toujours pensais à vous. Oh, les beaux arbres de la Zélinière, et le ruisseau, et la musique du bal. Morissette les entend encore. » La fièvre, aggravée par l'émotion, enflammait ses maigres pommettes. « Ne la fais pas parler davantage, » murmura Lorcher, « ou gare à l'hémoptysie. » Du reste, elle ne me voyait plus. Ses mobiles pupilles étaient de nouveau remontées vers le haut des paupières. Et à demi délirante, elle chantonnait maintenant à mi-voix. « Les filles du Havre sont des intrigantes qui vendent le queue pour de l'azan. Les filles de la Martinique le donnent à qui le fait plaisir. » J'avais le cœur navré. Je posai doucement ma main sur le fond brûlant de la négresse, et prenant congé de mon ami, je m'esquivai tristement. Mais le lendemain, je ne pus me tenir, dès le matin, d'aller rôder autour de l'hospice et d'y guetter la sortie de l'orcher. Je le distinguai enfin sous les tilleuls de la cour. Il m'aperçut et vint à moi. « Ça n'a pas traîné, » me dit-il d'un ton flegmatique. « Ta négresse est partie cette nuit dans un vomissement de sang. » Ainsi s'achève Morissette par André Theuriet.